C'est fini le temps des stars. Vous arrivez un peu tard. C'est fini le temps des stars. Greta Garbo ne sortira pas ce soir. Elle reste seule à la maison, cachée derrière ses lunettes noires, de peur de se voir à la télévision. Au midnight show, c'est fini le temps des stars. Et vous arrivez un peu tard. C'est fini le temps des stars. Welcome to Hollywood. Hollywood, ville fantôme. Venez voir sous le dôme de plexiglas pour $3. Venez voir le dernier tome de l'histoire du cinéma. Et reprenez votre tocard, rentrez dans le noir, yeah. Go back home. C'est fini le temps des stars. Vous arrivez un peu tard. C'est fini le temps des stars. Marlon Brando a cassé tous ses Oscars. Quand il ne joue pas aux Indiens, il vit comme un vieux hippie. C'est à peine s'il se souvient de son dernier tango à Paris. C'est fini le temps des stars. Vous arrivez un peu tard. C'est fini le temps des stars. Greta Garbo ne sortira pas ce soir. On ne vient plus chercher la gloire dans les snack bars et le Sunset Boulevard. Dans la fièvre du samedi soir, tout le monde se prend pour une star. Mais c'est fini le temps des stars. Les anti-stars grattent leur guitare sur les trottoirs de Sunset Boulevard. C'est fini le temps des jaguars. C'est fini le temps du caviar. Le temps des stars. Oui, c'est bien fini tout ça.